êtes encore à la poursuite du bonheur? Découvrez la collection Les recettes bien-être cuisinées par nos plus grands philosophes. Cette semaine, retrouvez chez votre marchand de journaux le DVD et son fascicule, le millefeuille de bonheur façon Luc Ferry. Alors, pour un bon millefeuille de bonheur à la Luc Ferry, commencez par séparer les illusions de la lucidité et faites monter la lucidité en neige. Versez un peu d'huile de stoïcisme dans une casserole pour éviter que votre amour attache. Faire fondre 100 grammes d'admiration pour un artiste ou un sportif d'exception afin de donner un goût légèrement sacré à l'ensemble. Ajoutez 300 grammes de déculpabilisation face aux événements de la vie que vous aurez mélangés avec la lucidité en neige. Versez une bonne rasade de savoir. Allez-y, n'hésitez pas à avoir la main lourde. Une pincée de travail sur soi, pas trop. Plus, ça crée des illusions et votre vie risque d'avoir un goût amer. Faites cuire au four le tout pendant 20 minutes. Pour la touche finale, placez quelques fleurs du lys pour élargir un peu l'horizon de vos saveurs et donner une touche universelle à votre dessert. Et voilà, vous pouvez enfin déguster, mais n'oubliez pas pour qui vous l'avez cuisiné. Offrez par exemple une part à un proche. Vous ferez ainsi une bonne action et donc une action qui a du sens. La collection Les recettes bien-être cuisinées par nos plus grands philosophes, une collection aïe aïe aïe.